Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Bilodeau nous présente sa chronique sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. On reçoit Angélie Durocher avec sa chronique L'Index. Et on insère le jardin mécanique dans le poste d'écoute. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 26 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Oui, bon matin, François. Bon matin, Mathieu Plante. Studio C'est Fort Trois-Rivières, OK? En direct. En direct. Pas de filet. C'est un filet? Non. Mercredi. Mercredi matin. Le 26? 26 du 9, tu sais, mois. Du 9? 9 okay. mois. C'est quoi le 9e mois? C'est l'accouchement, je pense. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tombait enceinte en janvier, ouais. Accouche aujourd'hui. C'est ça, le miracle de la vie, François. Bon, génial. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir tout à l'heure à 8h, noté l'heure spéciale d'ailleurs, parce que Jasmine Raymond-Dreville n'est pas là, donc on a glissé Angélie Durocher à 8h pour sa chronique L'Index, chronique aléatoire. Je sais qu'elle m'a donné son sujet, Colin, c'était sur Facebook. Je suis pas connecté. Hey, Colin. Mais je pense qu'il va parler d'affaires pas mal de fun. Ça va être bien intéressant. On vous en parlera tout à l'heure. On aura aussi les nouvelles de la GEQTR. On va les faire quand même. Jasmine m'a envoyé quelques petites choses à vous dire là-dessus. On va avoir à 8h30 Maxime Bilodeau. Lui non plus, on sait pas encore de quoi il parle. Là, ce matin, il devrait pas amener du jus. Non, la semaine passée, on avait du jus de betterave. Exactement. Et c'était pas si mauvais. Non, c'est ça. On s'attendait vraiment à pire. Ben, moi, j'avais mis la barre vraiment, vraiment basse. Je pensais avoir une levée du cœur. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, mais non, en fin de compte, c'était quand même bon. C'était bien bon. Hey, j'ai trouvé ce qu'Anne-Julie voulait dire pendant qu'on... Jasmine. Que ce qu'Anne-Julie voulait dire, oui, c'est ça. C'est des trucs pour ne pas être malade cet automne et cet hiver. Des petits trucs de grand-maman, des conseils plus sérieux. On va aussi apprendre la différence entre la grippe et le rhume. Eh bien, rendu plate, hein, Julie. Eh bien, rendu plate. Écoute, on va se le dire. Hein. Hey, c'est quoi? Ben, moi, j'ai ma tante. J'ai répondu « Ça va être malade ». Oh! Elle a bien aimé ça, je pense. Bon. Ouais. Génial. Sinon, aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va se régler des problèmes avec Sex Smith. Ça devrait répondre là. Oh! Ça va être dans la première heure. C'est intéressant, ça. Oui. Et on va écouter le nouvel album « Le jardin mécanique ». Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler de ces temps-ci. Oui, exactement. Qui est peut-être un peu plus théâtral comme, ouais. Comme style de musique. Théâtre! On va voir, on va l'entendre. Ben oui. Donc, c'est dans quelques minutes ça, mais pour l'instant, on écoute Galaxy et comme le titre le suggère, écoutez donc Jusqu'à la fin. Ouais. La pièce, ça s'appelle Jusqu'à la fin. Ouais. Puis, c'est concept, hein. Est-ce que t'as déjeuné? Ça pourrait être Jusqu'à la fin. J'ai déjeuné. Mais mon corps reste et ma tête s'évapore. Reste avec moi, je t'en prie. Entre aujourd'hui et demain, reste avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent. Même si on se perd, le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Panda et la pièce Language à Assemblage Requis, c'est une pièce du palmarès anglophone et leur album s'appelle Go Outside, ce qui est en fait le contraire de ce que je pense, là, mais bon. Non, mais il faut y aller. Là. Oui, il faut y aller, ouais, on n'a pas le choix. Ouais. S'il vous plaît. Avant de continuer avec d'autres musiques comme ça n'importe comment, on a choisi un CD qu'on va s'écouter pour vrai. Là. Yes, sir. Pour complet. Pour complet. Non, mais une bonne partie. Ouais. Voici le poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est l'endroit dans l'émission où on s'insère un CD dans la fente. Hein? C'est comme ça qu'on dit ça. D'un de nos lecteurs, bien évidemment. Ben oui. Lecteur de musique, pas lecteur du, mettons, Zone Campus. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on a choisi Jardin mécanique, la sinistre histoire du théâtre Tintamarre, épisode 1. Épisode 1, oui, c'est ça, parce que je pense qu'il va y avoir peut-être une suite. Ça devrait être une série en tant que telle. Idéalement. Ça devrait. Je vais lire le synopsis tout de suite. Vas-y. Parce qu'après ça, on va commencer, puis c'est comme une genre de... C'est comme un opéra rock, si on veut, apocalyptique, théâtral et steampunk. C'est eux-mêmes qui le décrivent comme ça. Donc, lisons le synopsis de cette pièce-là. Quelque part entre le début et la fin du 19e siècle, la ligne du temps se faisant vieille et fragile s'est fissurée. Dans cette faille intemporelle, ensevelie sous la poussière de la révolution industrielle et détrempée par la pluie mélancolique de l'époque romantique, un étrange auditorium dresse ses angles sur la rue des Octobres comme autant de joyaux vénéneux. Cet auditorium que personne n'ose visiter, même pour y jeter un simple coup d'œil, a été aménagé dans une usine désaffectée dont le propriétaire fou s'est suicidé plusieurs années auparavant. S'abritant un jour dans l'usine abandonnée, M. Augustache et ses artistes itinérants et quelque peu détraqués ont décidé de s'y établir et de faire vibrer ses murs décrépits en harmonie avec leur musique corrosive, sombre, satirique et burlesque. Les artistes sont loin de se douter que l'avarice qui avait poussé le patron à la folie les amènera à commettre des actes innommables afin d'instaurer leur règne. Oh, oh, oh, oh. Ça continue, vous pouvez lire le texte sur jardinmécanique.com, mais on dit opéra rock, nouveau genre, Jardin mécanique qui nous fait voyager dans un univers perpendiculaire où la situation du monde actuel rencontre les décors d'Edgar Allan Poe et de Jules Verne. Eh bien, intéressant pas mal. Oui, tout à fait. Donc, on va entendre, comme on le fait dans le poste d'écoute à chaque fois, je dirais les 10 premières minutes de l'album. D'habitude, ça donne pas mal aux 3 premières pièces. On va voir avec la durée de des pièces. Ça. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de titre à ces pièces-là, donc je vais les jouer une après l'autre. Et puis, on s'installe confortablement et on écoute Jardin mécanique, la sinistre histoire du théâtre Tintamarre, épisode 1. Uno. Thank you. Reste à l'écoute. Une fée verte dans un monde inédit. Quand elle s'écoule de son amphore, elle transmet le secret en millions de métaphores. J'ai rendez-vous aux 12 coups de minuit avec le dragon qui parcourt mon esprit. Des nuages de Chine composent le décor où je poursuis la bête jusqu'aux lueurs de l'aurore. J'ai rendez-vous. Mon seul moyen de survivre, c'est de voler du pain. J'embrume mon âme de vapeur toxique pour engourdir ma souffrance épique, puis parvenir à m'endormir, m'évanouir, mais fuir toute la crasse qui tapisse la surface du globe. M'envoler creux dans un monde où l'argent sert à rien, où tout le monde est heureux, puis se tient tout par la main. Faut que je m'assomme parce que j'ai j'injecte l'écume du rêve dans mon ennui. Assombris, faites sourire vos dents jaunies, rengainez votre rancune, car certains ont plus d'infortune. Bientôt nos noms inconnus, gravés sur une étoile dans la rue, sous les feux des projecteurs, dans toute notre splendeur. De l'argent qui coule à flot, 10 voitures, 13 maisons, en enfin un chiffre plus rond. Naviguer partout dans le monde, les auditoriums se bondent, les admirateurs s'effondrent, rien qu'à voir nos ombres, des bouquets de fleurs par milliers, partout où on va chanter, un tapis rouge sous nos souliers, partout où on met les pieds, ha ha! Ma face dans toutes les revues, ma musique qui inonde les vues, mon nom dans les dictionnaires, dans les livres d'histoire. On dirait que je viens de ramasser une épée dans Zelda. Je me sens épique. J'adore ça. C'est super bon. On vient ça fait penser à ça. Oui, vraiment. On vient d'entendre les trois premières pièces de l'album du Jardin mécanique. François, rappelle-nous donc le titre de l'œuvre. En fait, c'est La sinistre histoire du théâtre Tintamarre, épisode 1. Pas mal bon ça. Donc, on a entendu les trois premières pièces. Est-ce que tu as les titres devant toi aussi? Oui, c'est exactement. Ferme, hein? C'est Le triomphe de la cupidité. Première pièce qu'on a entendue, ça a suivi, c'était La Fée Verte et Monsieur Camélius. Et puis on a terminé le bloc avec la pièce L'enthousiasme de Monsieur Edwidge. Merveilleux. Tu vois, tantôt j'avais dit qu'il n'y avait pas de titre. Là. Il y en avait des titres. C'était bon, ils sont bien cachés. Lisons un petit peu la biographie, une partie de la biographie de ce trio-là. Trio qui a eu une idée fixe, repousser les limites de leur art. Chacun d'entre eux est chanteur, multi-instrumentiste, compositeur et a un intérêt particulier pour le cinéma. De plus, certains ont du talent dans les lettres, d'autres dans les arts visuels. Il s'agira donc de mettre tous ces talents et intérêts à profit. Au fil de plusieurs années de réflexion, d'écriture et de recherche, Philippe Coulombe, Francis Gagnon et Sylvain Sicard de Carufel. Mettons, tout du monde de la région, hein? C'est ça, on a que des gens de la Mauricie. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu voulais, est-ce qu'il y avait des collaborateurs, des gens ils jouent dans d'autres groupes, ces gens-là? Est-ce que tu voulais préciser un petit peu? Non, mais je sais pas. Mais c'est... Je sais pas. Non? Écoute, mon frère qui joue du piano sur les pièces 1, 2, 6 et 8. Donc, les deux premières qu'on a entendues tantôt. Ouais, c'est ça, exactement. Ils jouent. Super. Donc, formule de spectacle très original. D'ici-là, un spectacle musical et théâtral où chacun des membres du groupe, bien que muni de leurs instruments, tiendra un rôle dans l'histoire. C'est à cheval entre le concert rock traditionnel et l'opéra rock que naîtra le premier spectacle de Jardin Mécanique intitulé La sinistre histoire du théâtre Tintamarre, ainsi que l'album du même nom. Donc, vous pouvez aller voir le reste des biographies sur jardinmécanique.com. Il y a aussi des spectacles qui s'en viennent, entre autres le 9 octobre prochain à Trois-Rivières à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Et ça, le 9 octobre, ça donne à être un mardi soir. Voilà. Ils vont être à Québec le 18 octobre. Et ça, c'est admission à la porte. C'est à la coop L'Agité. Alors qu'à Trois-Rivières, j'ai oublié de dire que vous pouvez réserver vos billets en allant sur jardinmécanique.com. Génial, si ça vous dit. Ils ont un MySpace aussi, myspace.com/jardinmécanique. Et sur Facebook, facebook.com/jardinmécanique. Vous pouvez aussi acheter l'album sur iTunes. Voilà, hey, ben ça c'est un bon poste d'écoute. Moi, je suis un fanatique de comédie musicale et de trucs comme ça. Je m'en cache pas du tout. Tu sais, il y a des gens qui rient, des gens qui aiment les comédies musicales. Moi j'aime pas, ça. Je t'avoue, écoute, pour être franc, moi, je suis vraiment pas un adepte de ça. Évidemment, en fait, là, Jardin Mécanique, je pense que c'est plus visuel aussi. Là. C'est ça. C'est sûr que donc, l'album... Il manque une certaine partie. Là. J'écouterai l'album après avoir vu la pièce, peut-être plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On commence rarement par un CD d'un opéra rock ou d'une comédie musicale. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé, j'ai apprécié ça. C'est Jardin Mécanique. Voilà pour le poste d'écoute. On fera ça une autre fois. Vous savez, c'est une chronique récurrente, mais non c'était dans non le temps. Non programmé. C'est ça, non programmé dans l'horaire. On continue avec du Diamond Ring. C'est toi qui l'as choisi, François. Oui, tout à fait. Ça fait une éternité qu'on n'a pas entendu ça ici à Assemblage Requis. Et la pièce, c'est Wait and See de Diamond Rings. Et c'est très bon. On aime ça. À Assemblage Requis. Tantôt, on parle des nouvelles de l'AGEQTR. Something different. How should I know whether I should trust my instinct farther than I can throw? Oh, playing with the double dagger, changing the rules, hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. Retaliating with silence, running away in place, chancing upon situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Down. François? Mathieu? Tu sors ta carte de crédit? C'est ce que je fais. Après la pause, c'est 5 semaines, ça devrait répondre là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Ça, j'aime ça, Chinatown, et vivre les pieds nus, c'est bien ça. C'est bien ça. Et t'avais une belle remarque, Mathieu, tu faisais penser que ça ressemblait à Bonjour Brumeur. C'est vrai, surtout dans l'accent. Oh ouais, tout à fait. Si vous voulez écouter un petit peu de Chinatown, commencez par les trois extraits du palmarès, je vous dirais. Parce que le reste, tu sais, c'est bon, mais c'est moins loin un peu. Donc, Chinatown, entre autres, il y a eu Culpabilité sur le palmarès, La vie rêvée, et ça, c'est Vivre les pieds nus. Donc, c'est trois très bonnes pièces. Et Chinatown, c'est un hit ici, assez fou, donc ouais. On adore ça. Maintenant, quelque chose qui va être un hit, mais pour votre compte, votre compagnie de banque, genre ceux qui fournissent votre fausse argent. Qui est dans les airs, là, l'argent virtuel, comme on appelle. Ben, ils vont être heureux d'entendre les gadgets qu'on leur suggère. Donc, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est ce qu'on appelle une intro laborieuse. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique. La chronique. Où on s'est créé des besoins. Donc, c'est comme une créénique. Cryogénique. Voilà. Donc, commençons avec un gadget dont on a déjà parlé. Oui, vous allez me dire, Colin, Mathieu, tu te répètes dans tes chroniques. Oui, je le fais assez souvent. Mais là, on a des détails un petit peu. La compagnie qui fabrique les Hot Wheels, c'est les petites voitures. Hein? Ouais. J'avais parlé il y a quelques semaines qu'il allait sortir une Mars Rover Curiosity en version Hot Wheels. Tu sais, c'est l'affaire qui est allée sur Mars. Ah, OK, OK. Et bien maintenant, c'est fait, c'est dévoilé. Hot Wheels Mars Rover Curiosity, qui fait, en fait, le vrai rover fait 9,5 pieds de long et peut voyager à 300 pieds à l'heure. Celui-là est un petit peu plus petit, mettons, mais c'est fait pour être amusant. Puis vous le procurez sur Amazon dès maintenant pour 9,70 $. Quand même. Quand même, pour un petit, petit bolide comme ça. C'est cher. Ben, c'est cher. C'est un petit, une petite voiture. Maintenant, t'es au bureau. Et tu veux aller sur Facebook, mais ton employeur t'empêche d'aller sur Facebook. Okay? Okay. Donc, tu veux pouvoir liker des choses quand même dans la vraie vie. T'sais. Ouais. Donc, il faut que tu te procures des petites pinces à feuilles, mais que la portion de métal, qui est d'habitude en forme de... je sais pas, de la broche. Une broche, c'est ça. Ben, c'est en forme de main. Et donc, tu peux le mettre du côté que tu veux. Donc, c'est encore meilleur que Facebook, parce que Facebook te permet pas de faire du « don't like ». T'as pas pensé à ça? Ah, bye bye. Et Colin, hein? Moi, j'aime bien. c'est encore meilleur. Quand ça vaut, ça? Je sais pas. Attends, peux-moi dire ça tout de suite? Bonne question. Bonne question. Sur 25togo.com/store. Ça en vient. Ah, ben, c'est en Asie, donc ça nous dit 180 quelque chose symbole. OK, symbole. Quelques symboles. Presque 200 symboles. C'est quand même cher. Hein? Ou pas cher, dépendant. Ensuite, le prochain n'est même pas un vrai gadget parce que tu sais, dans la vraie vie, tu veux pouvoir signifier aux gens tes émotions et peut-être ton déjeuner que tu as mangé sur tes souliers. Je pense que c'est commun, on a tous cette envie-là. Écoute, depuis le temps que t'en parles. À la place de taper ton iPhone, c'était chouclac. Ce qui serait très joli, mais qui serait pourquoi peut-être tu facile ton téléphone? Parce que toutes les opportunités sont bonnes pour le sortir de ma poche. iPhone 5, allô? Salut. Donc, il y a un gars qui a inventé les Adidas Barricade avec tweet sur le côté. Oui, c'est super. Hey boy. Et il y a même, ses souliers ont un compte, oui, Twitter, c'est @AdidasBarricade. Et il y a plus de suiveurs que toi, probablement, sur Twitter. Et que moi. Ah, sûrement, écoute, je suis pas là-dessus, je pense. Fait que normal, qui te battent pas mal. Donc, c'est un écran LCD sur un soulier, puis c'est à peu près ça. Ensuite, tu veux transporter ton dîner, mais c'est pas assez héroïque pour toi. Tu veux vraiment avoir l'air de sauver des gens avec ton lunch. Peut-être que t'es justement un Robin des Bois, peut-être. Hein? Peut-être que tu vas donner aux pauvres, voler aux riches leur lunch pour les donner aux pauvres. Ouais. Mais Batman, c'est pas ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, Batman? On pourrait essayer de mettre la comparaison avec Batman. Batman, il sauve les gens. Il résout des crimes culinaires, dans ce cas-ci, parce que c'est un sac à lunch avec une cape et le logo de Batman devant. C'est un beau sac à lunch. Ouais, c'est pas révolutionnaire. Non, mais la bon. Cape, par contre. As-tu déjà vu une boîte à lunch à cape? Excuse-moi. Non. Bon, fait que c'est révolutionnaire. OK? As-tu déjà vu un iPhone avec l'écran long? Non. Fait que c'est révolutionnaire. donc, c'est le Batman Lunch Bag with Cape. Et avant que tu me demandes le prix, je vais essayer d'aller voir ça. Je veux même pas savoir. C'est sur ThinkGeek pour 15 $. C'est pas cher. Pour un enfant, c'est pas de la fun. Ouais, hey. Boîte à lunch à cape. Hey. Une cape, là, tu peux en poser une pas mal partout, là. Ouais, disons que t'es cap ou pas cap. Capable, tu sais. Les enfants disent ça. Dans la rue. Bon. Tu veux protéger ton courant, par exemple, ton portable ou n'importe quel autre gadget. Tu veux le protéger des variations de courant, le surge. Bon. Mais tu veux pas avoir à traîner une power bar au complet, tu sais. Okay. Bon. Donc, à la place, il faut juste une petite prise de la compagnie Satechi qui se branche dans le mur. Ça donne une prise Power Surge Protected et une prise USB. Très cool. Dessus. Très cool. Très bien. Pour vrai, là, ça c'est hot. Moi, ça doit pas valoir une fortune, hein, ça, j'imagine. Non, 10 $. Bon. C'est achetable. Ça vaut 20 $ et Amazon te le vend à 10. Pas cher, c'est ça. Pas payé. C'est petit, donc le shipping sera pas vraiment élevé là-dessus. Non. Non, c'est une bonne idée. Et c'est en stock en ce moment. Ensuite, tiens, tu aimes faire la cuisine? Oui. Et t'es fan de Star Trek? Non. Non, fais comme si. Parce qu'ici, tu vas pouvoir faire des biscuits ou n'importe quelle autre chose qui a besoin d'un petit... comment t'appelles ça? C'est des boules. Des moules, exactement. C'est le des moules. Des moules. Ça, c'est dans le studio, dans le temps. Une mouche. Ouais. Tu t'en rappelles, ça? Avec Bruno. Oui, Bruno et Guy Jouaudouin. Donc, c'est ça. C'est des formes que tu peux utiliser pour faire des formes de Star Trek. Donc, il y a là-dedans le Federation. Ça, c'est le vaisseau, je pense. Le Klingon Empire. Le USS Enterprise, aussi un vaisseau. Le Phaser. Le Live Long and Prosper, qui est la main de Spock avec les doigts écartés que personne n'est capable de faire sauf nous deux. Ben, tout le monde est capable de faire ça. Non. Je connais des gens qui sont pas capables de faire ça. Fait qu'à gare. Et ça, c'est ces trucs-là. En fait, c'est, ils ont une licence officielle, donc c'est vraiment des gadgets officiels. 20$ pour l'ensemble. 20$, c'est mort, quand même. Pour des boules. Tu sais, tu vas t'en servir longtemps, là-dessus. On va t'en servir une fois, tu voulais dire? Genre. même là. Ouais, c'est ça. Dans mon cas. Ensuite, tu sais, des haut-parleurs qui peuvent changer de forme. T'sais, on a tous besoin de mutations dans la vie, de transformations. On aime bien les Transformers, tout ça. Donc, le D-Best London PS400 7BT, trait d'union RB, Transformative Bluetooth and MP3 Hi-Fi System. Wow! C'est un système de haut-parleurs Bluetooth qu'on peut tordre de différentes formes, comme un serpent. Mais tu sais, c'est, en fait, c'est trois parties sections. Tournois. Bon. Tu peux faire un rond ou encore un genre de petit M comme un genre de serpent. Tu peux faire un serpent comme un cobra qui se lèverait la tête. Et puis, c'est pas mal les trois ou quatre formes que tu peux faire, je pense. Hein? Wow. Donc, c'est un système de haut-parleurs Bluetooth. Et puis, dedans, il y a une batterie rechargeable qui peut durer 50 heures. Et puis, il y a un microphone intégré pour faire des appels conférences. Et vu que tu peux faire un cercle, on dit que tu peux le mettre autour de ton bras. Ils disent autour de ton cou, j'ai de légers doutes, là. En tout cas. Ah, t'as l'air d'un casse de bain, là. Casse de bain. Ça coûte 233$. Hey, c'est vraiment non, arrêtez. Tant qu'à ça, tu sais, mettons un Jawbone, Jambox, truc, là, tu sais, le gros haut-parleur rouge ou bleu, tu sais, en plastique qu'ils vendent là, de ces temps-ci, c'est super populaire, là. Je sais pas. T'as pas vu ça? Non. Ça se vend dans les magasins électroniques. Attends un peu, ça s'appelle. La compagnie, c'est Jawbone et c'est la Jambox. Je sais qu'ils ont une version big et une version normale. Et puis, c'est ça, c'est comme un genre de système. Ça ressemble à un bloc Lego un peu, là. OK. On n'en voit pas tellement parce que ça coûte encore comme 150, 100, 200$, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, mais ceux qui aiment sortir dehors sur leur patio et faire de la musique, la qualité est quand même pas mal bonne. Et puis, tu peux aussi faire le téléphone avec. C'est sans fil, c'est Bluetooth. Okay. Donc, disons, pour les gens plus fortunés, c'est quand même assez populaire en ce moment. Moi, j'achèterais jamais ça, sérieux. Et ça joue fort, on ne sait pas. Apparemment, ça, oui. Mais le petit serpent, ça, je ne sais pas, par contre. Pas essayer. Ensuite, est-ce que tu connais les Mobius Strips? Ça, c'est un concept difficile à expliquer à la radio, Mobius Strip. C'est écoute, je le vois, puis je suis pas sûr de comprendre. C'est le principe d'avoir une bande, OK, mince, qui tourne sur elle-même, donc qui n'est pas un cercle complet comme un zéro. Qui n'a jamais de fin. Mais qui n'a pas de fin. Si tu suis un côté, tu vas tout le temps ressortir de l'autre côté. Il y a des logos de compagnies qui ont un Mobius Strip dedans. Par exemple, Rogers a ça. Ah ouais? Si tu vas sur Rogers, je crois qu'ils n'ont pas changé de logo encore, là. Et puis, ouais, c'est ça, c'est une genre de Mobius Strip. Mais bref, l'idée, c'est que quelqu'un a fait ça avec le premier tableau de Mario Bros. Oh. Donc, c'est vraiment cool. Il a reproduit chaque détail du tableau du début à la fin. Évidemment, il n'y a pas de fin. C'est cool, c'est bien fait. Mais... C'est très, très bien fait. Et on peut l'acheter. C'est ça qui est intéressant. Ça coûte 24$ parce que quand même, il y a du matériau, ouais, des matériaux. Il y a du travail là-dessus. Du travail, exactement. Donc, c'est ça. C'est super cool et ça a l'air assez petit là, dans ta main. Donc, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le portes pas comme bracelet parce que ça marche pas de même, un bracelet. Oh, c'est quand même cute. Ensuite, t'es fanatique de Street Fighter et tu veux avoir l'impression de te battre jusqu'à la fin des temps avec ta copine sur ton divan ou quelque chose comme ça. C'est cool. C'est des autocollants de Street Fighter. Cool. On t'envoie l'ensemble de 7 carrés orange de 4 par 4 pouces, 7 carrés bleus de 4 par 4 pouces et plusieurs lettres KO versus Player 1, Player 2, tout. Hein? Insert coin, AAA, him et her. Et donc là, au-dessus, mettons, de ton lit, tu peux mettre genre un carré orange et 5 carrés bleus. C'est malade. Vu que tu dors, t'es comme faible, tu sais. C'est malade, j'aime ça. C'est cool. C'est vraiment le fun. Allez voir les photos pour vous donner des exemples. Bon, comment ça vaut, ça? Combien ça vaut? 50$ sur Etsy. Mais Etsy, c'est un site où les gens peuvent fabriquer leurs propres produits et les vendre eux-mêmes. Donc, c'est vraiment des gens et non pas une usine qui a fabriqué ça. T'sais. OK. Donc, voilà. C'est pour ça. 48$ américains, environ 48 et 42 canadiens. C'est proche en ce moment, hein? Oh ouais, c'est très proche. Hey, c'est cool. Une belle découverte, Mathieu. Merci. Ça fait plaisir. Ouais. Ensuite, un autre concept qui, celui-là, n'existe pas par contre, c'est quelqu'un qui a pris un jeu, il a acheté un jeu, tu sais, Guess Who, là. Ouais. Tu sais, où tu dois deviner, bon, le gars, est-ce qu'il y a une barbe? Ou si c'est une fille, ça t'avantage parce qu'il y en a comme 5 ou 6. Il y a beaucoup moins de filles, c'était très pas égalitaire. C'était bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça s'en met. Tu sais, avec les cheveux, différentes caractéristiques. Ouais. Pas la couleur de la peau, ben, par contre, hein, parce que c'était pas mal tout du monde blanc, je pense. Non! Ben, il devait pas en avoir beaucoup, parce que sinon, c'est facile de le dire. Non, c'est ça, non, il y en avait pas beaucoup. Est-ce qu'il est noir? Oui, ah ben, c'était le gars, t'sais. Non, ouais. C'est bon. Bref, revenons à ça, c'est qu'elle a acheté le jeu Guess Who et l'a transformé en Guess Who, mais comme dans Doctor Who. T'sais? Donc, elle a passé vraiment une fin de semaine à prendre les photos officielles de la BBC, à les couper, les mettre dans les cases, faire une boîte spéciale, faire une publicité YouTube pour ça. Donc, elle a vraiment beaucoup mis de temps là-dessus. Elle voulait faire un jeu qui avait l'air le plus possible sorti par la BBC elle-même. Donc, je crois que c'est vraiment très, très réussi. Et si vous ne pouvez pas vous procurer ça, vous pouvez procurer le jeu de Monopoly de Doctor Who qui existe pour vrai, si ça vous intéresse. Mais allez voir sa vidéo, allez voir comment elle a fait ça. J'adore. Ensuite, ta ceinture n'est pas assez lumineuse, n'attire pas assez d'attention vers ton entrejambe. Hein? Donc, il te faut... T'as pas besoin de ça, toi. Non, c'est ça. Light Up Arcade Coin Slot Belt Buckle. Hein? C'est donc une boucle de ceinture avec une affaire pour mettre des 25 cents à l'arcade. Ouais. Et ça s'illumine pour vrai, cette affaire-là. Ah, vrai? Fonctionne avec des batteries. Oui, et tu peux faire le nombre de blagues sur un joystick que tu veux. Ça. Tu peux vraiment en faire plein, sûrement. Et ça, c'est sur Etsy, encore une fois. Ça nous dit que l'article a déjà été vendu pour 141,23 $. Quoi? Aïe, aïe, OK. En tout cas, mais je veux dire qu'il va en avoir d'autres. S'il l'a vendu à ce prix-là, il va en faire d'autres, c'est sûr. Hein? Ensuite, ton enfant sent de l'entrejambe, lui. Peut-être. Quand, sent de l'entrejambe? Moi, je dis entrejambe pour pas être trop vulgaire. Et puis, tu veux masquer l'odeur, mais pas seulement la masquer avec du sambon qui va passer par-dessus l'odeur et ça va faire un drôle de mélange. Tu sais comment les parfums, les sambons, des fois, ça va s'ajouter à l'odeur? Ça sent pile. Un par-dessus l'autre. Boum, boum, boum, boum. J'aime boum. Pas ça. À la place, tu veux vraiment c'est... enlever l'odeur par un spray magique. Ben. C'est le, ils appellent ça le Magic Spray. Ah, s'ils appellent ça... Donc, c'est vrai. C'est ça. C'est sur Internet en plus, donc deux fois plus vrai. Donc, c'est un produit qui vient du Japon pour le prix de 20 $ et qui dit que ça va changer l'odeur du doudou en odeur de fleurs. C'est ce que c'est supposé d'être et de faire. T'es supposé mettre ça sur des couches. Et donc, ça convertit la mauvaise odeur en bonne odeur. Et ça ne le couvre pas comme du désodorisant. Et puis, c'est ça. Et bizarrement, il y a des boutons qui apparaissent. C'est ça, l'allergie, c'est... Ouais. C'est encore une fois en Asie, donc le site n'est pas compréhensible pour moi. Ensuite, ça, c'est un nouveau produit qui va peut-être... Sauver des vies. Ça va sauver des vies. C'est une affaire qui va autour de la ceinture, OK? Ouais. En arrière de toi, sur tes fesses, tu mets ton iPhone dedans. Il y a un accessoire, donc la petite pochette a une lumière dessus. Et tu as une application que tu vas télécharger qui vient avec... Et ça va illuminer d'une lumière rouge tes fesses quand tu vas être à vélo. Donc, tu avances à vélo, ta lumière flash, les gens te voient. T'sais. Ça, c'est comme ton flash? Je crois que c'est plus fait pour être... c'est comme ça fait un stroboscope, genre, ça ouvre et ça éteint. Ouais, mais la lumière, c'est comme de ton flash de ton iPhone? Ben non, c'est ça. C'est, non? La lumière est sur l'accessoire okay. qui va après la ceinture parce que la lumière est seulement blanche. Et là, eux, ils voulaient une lumière rouge. Okay. Mais j'avoue que il y a des applications... Tu sais, la première chose que tu fais quand tu as un nouveau iPhone, c'est d'aller chercher des flashlights. Hein? Non, pas vraiment. Mais dans le temps, quand l'iPhone a commencé à avoir des applications après le modèle 3G, genre, je pense que l'iPhone tout court a eu des applications après comme un an. Ah, je sais pas. En tout cas. Mais bref, au début, il n'y avait pas beaucoup d'applications. T'sais. Et les premières, c'était les flashlights. T'sais. Donc, je suis allé m'en chercher une hier parce que l'application avait été mise à jour pour l'iPhone 5 et il y a une petite lumière dessus pour le LED. Moi, j'en avais pas dans mon 3GS. Okay. Mon 3G. Tu voulais. Ben, j'avais jamais pu l'essayer, tu sais. Fait que tant qu'à faire, je l'ai essayé. Et puis, l'application que j'ai trouvée, qui est Lampe Torche par Rick Erica, a été mise à jour pour l'iPhone 5. Donc, l'écran est plus grand, t'as tous tes boutons, et tu peux en plus faire un code Morse avec le bouton. Good, good, good. C'est le fun, hein? Ouais, je vous en parle comme ça pour le fun, mais la lumière est blanche, et donc, c'est pas aussi lumineux que la lumière rouge très intense. De ce ça doit, tu dois le voir quand même relativement bien. Dans la maison, ça va très bien. Dehors, je sais pas si c'est assez... Ben, en vélo blanc. Ouais, je sais pas. Ça pourrait être assez. Mais bref, si vous voulez payer 18 $ pour le gadget et l'application, c'est sur assemblagerequis.com que vous allez trouver le lien. Il nous en reste quelques-uns encore. Ah, celui-là est génial. Ah, j'en veux un, celui-là. Tu sais, quand tu manges du popcorn, c'est plate, là. Tu te salis les mains, ça. Ça, c'est vrai. En plus, il faut que tu te lèves le bras, fait que là, à un moment, tu commences à avoir comme mal au bras. T'sais? Et puis, ta blonde, c'est bien le fun de demander donne-moi du popcorn dans ma bouche, elle va le faire une fois de temps en temps, mais elle va s'aller vite. Ouais. Donc, il faut le Popinator qui va te tirer du popcorn dans la bouche. J'adore le nom. Oui, le Popinator. Il va devenir président des États-Unis, ou du moins maire d'une ville comme Arnold, sûrement. Donc, c'est ça, c'est pour vous amuser. à manger du popcorn de jusqu'à 15 pieds de distance. Hey, ça garoche jusqu'à 15 pieds. 15 pieds. Dieu. C'est pas sur le marché encore, mais c'est fabriqué par Popcorn Indiana. Tu sais, la compagnie qui fabrique le popcorn en sac très rigide qu'on retrouve à l'épicerie qui est super bon. Tu sais, des gros sacs de popcorn rouge et bleu. Là. OK. Non? Non. Et en épicerie, t'iras voir ça. Puis si t'envoies, achète-en, c'est bon. Ouais. Du popcorn. Que tu mets un micro, là? Non, c'est du popcorn déjà en fait? Sac. OK. C'est vraiment très, très bon. Donc, Popcorn Indiana qui a commencé à penser à cette machine-là. Vous pouvez aller voir la vidéo et vous créer des attentes parce que ça va sortir un jour. Popinator. C'est incroyable. Ensuite, on vous avait parlé il y a quelques semaines de la Bluetooth Light Bulb qui était une ampoule qu'on pouvait contrôler par iPhone, iPod Touch, etc., etc., appareil, e-appareil, comme on appelle. Et bien là, ils en ont sorti une autre. En fait, c'est pas la même compagnie, mais c'est le même genre de produit. C'est LIFX LED Bulb. Et celle-là commence à avoir pas mal de succès. Ça fonctionne par Wi-Fi pour communiquer avec une application qu'on télécharge. Et l'ampoule se connecte au routeur, ce qui crée un réseau avec toutes les ampoules de ce type-là que tu achètes. Et tu peux lui faire faire n'importe quelle couleur. Tu sais, dépendant de la pièce, tu peux dire, bon, ben, j'aimerais que ma chambre soit bleue ou mauve, je sais pas trop quoi. Ça peut être vraiment cool. Puis ça peut être cool pour pas mal d'applications. Tu sais, juste, mettons, je pense à quelqu'un qui voudrait faire un genre de podcast ou une émission webcam, quelque chose comme ça. Puis que ça te tenterait d'avoir un fond différent pour chacune de tes émissions, mettons. Tu sais. Il y a plein d'applications pour ça. Donc, c'est des lumières. On peut même faire ce qu'on appelle du mood lighting, qui serait de choisir une couleur en fonction de la pièce musicale que tu es en train d'écouter. Okay. L'application le fait. Pour l'instant, c'est 65$ que tu mises, en fait, que tu... comment t'appelles ça dans un téléthon? Là? Quand tu... Tu donnes? Tu donnes, mais t'sais, tu promets que tu vas donner cet argent-là plus tard quand ils vont te la demander. T'sais, genre. Ouais. Tu dis que tu vas donner 65$. Et si le produit finit par dépasser son montant... Son objectif, ça va finalement aller à la compagnie et tu vas avoir un rabais sur l'achat du produit. Okay. Donc, ça devrait sortir en mars 2013 et pour l'instant, le projet n'a pas été complètement, funded dans le domaine, là, mais n'a pas reçu encore tout son argent. En fait, attends un peu. Hey! Ils l'ont dépassé. Ils viennent de le dépasser parce que l'article date de quelques jours quand même. Ils sont rendus à 1 312 075 $ sur 100 000. Ouais. Donc, ils ont dépassé de 13 fois leur but. Je pense que ça va être fabriqué, cet objet-là. Ouais. Je pense que oui, et tant mieux. Il nous en reste deux derniers pour commencer. Si vous avez un chat et que votre chat, à chaque fois que vous lui achetez un... je pense qu'il y en a qui est dans le public qui n'aime pas les chats ici. François, toi, t'es fan de chat? Ben, pas fan. Mais t'aimes ton chat, mettons. J'ai plus de chat. Ah, excuse-moi. Tu tournes le fer dans la plaie, là. Ah, désolé. Je voulais pas... Ouais. Bref. Donc, si vous avez un chat et que vous lui achetez un lit, souvent, le chat n'ira jamais s'asseoir dans son lit. Il va tout aller ailleurs. Là, vous avez dépensé plein d'argent pour un lit. À la place, pourquoi ne pas acheter un lit qui prendra pas de place parce que ça tient après les pattes d'une chaise? C'est le Cat Crib, donc on attache ça par velcro aux quatre pattes d'une chaise. Et c'est comme un genre de hamac. Donc ton chat va aller se coucher dans le hamac, il va toucher à peine au sol. Il va se poser, du moins, aller se coucher là. Mais s'il va pas, tu vas juste avoir dépensé 29$. Juste ça. Et si vous allez voir la vidéo, il y a un chat qui a été complètement éduqué et pour aller sur cette affaire-là. Il était maltraité parce qu'il y allait pas. Je pense que oui, mais bon. C'est donc Cat Crib. Et finalement, tu connais Thingy, qui est un des meilleurs sites web de tous les temps pour aller chercher des choses dont tu n'as pas besoin, mais que tu vas tellement aimer à la fin. Des pilules de café ou n'importe quel autre produit comme ça. Vraiment stupide, des affaires USB. Dans ce cas-ci, ils nous vendent de la nourriture de carnaval. Tu sais, mettons, tu vas à l'expo ou à Ronde. Bah, bah, bah, bah. Très bonne suggestion, mais c'est pas dans le mix. C'est quatre autres choses que ça. Parce que la barbe à papa, ça s'achète quand même relativement bien. Ça. Oh, oui, putain. Mais des corn dogs, des genres de pogo aplati, hein, patente. Okay. Des churros, c'est l'affaire à la cannelle, des petits bâtons à la cannelle que tu manges. Okay, ouais. Et des pretzels mous. Et ce qu'on appelle des funnel cakes, ça, je connais pas trop ça. Donc, c'est quatre produits qu'on retrouve d'habitude dans des foires, peut-être moins au Québec, dans tous les cas, mais quand même, que vous pouvez acheter sur ThingGeek, et puis c'est vraiment cool. J'aime ça. Ouais. Tu vas-tu l'acheter? Non, comment pas. Mais si c'est l'affaire avec ThingGeek, c'est que ça coûte cher de shipping, faut que t'achètes plein d'affaires, puis c'est compliqué. J'sais pas. Et pas. Voilà, on s'est créé assez de besoins pour aujourd'hui. C'était Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a! Oui. Yeah. Et en même temps, tant qu'à faire, ben, ça va être la fin de la première heure de cette édition d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, François? Anne-Julie Durocher. Et ça a l'air de te plaire, hein? Dis avec conviction. Ah, j'avais beaucoup de pep, là. François, on va faire chicaner, je pense. Sois fin. Ouais, je suis fin. Tout le temps fin. Qu'est-ce qu'elle a l'air souriante? Anne-Julie Durocher. Anne-Julie Durocher. Et sa chronique L'Index tantôt avec... je te surprendrai tantôt, Anne-Julie, mais on a peut-être trouvé quelque chose pour toi comme chansonnellement. Là, ça. Chansonnellement. Chansonnellement parlant. Mon micro est ouvert. Oui, il est ouvert. Ah, oh, OK, fun. Je ne savais pas, c'est pour ça que je ne parlais pas. Qu'est-ce que tu vas nous dire tantôt? Je sais que ça va être assez éducatif comme chronique. Mais oui, oui, oui, je vais vous instruire. On va parler de maladie. Hein? C'est ça. Vous allez voir de quelle maladie. Parce que les auditeurs fidèles de l'émission ont remarqué une absence aujourd'hui. C'est ça. À l'émission, Jasmine, Raymond Dreville. À cause d'une maladie. C'est ça. À cause d'une maladie, on va savoir laquelle et comment la traiter. Yes! Comme j'ai dit sur Facebook, ça va être malade. Beau jeu de mots. C'est ça. Dit avec très grand sarcasme. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage Hockey en ce mercredi 26 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Et elle, c'est Anne-Julie Durocher. C'est moi! Hey. C'est moi! Oui, et violente à matin, mais de bonne humeur. Ouais, ouais, je sais pas ce qui se passe là. Je suis pas violente, je suis juste. T'as frappé François tantôt. Bon, mais je t'ai-tu frappé, toi? Pourquoi tu te plains? Moi, je suis loin, c'est normal que tu frappes pas. Tu vas manger le volet, là. Ouais, c'est ça. Mais j'apprécie que tu. Que je frappe pas. Que tu me laisses tranquille, c'est ça. Mais ouais. C'est lui qui est talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, là. Ah, OK, me semble. T'aimes les chats, c'est suffisant. J'aime les chats, ben oui. Pourtant, moi. Ouais, non, c'est ça. En fait, OK, t'aimes vraiment les chats? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, moi, oui, Matt et chat. Non, mais tu sais, pour ma fête, parce que c'est bientôt ma fête, là. Okay. Chat? Non. Mais comme tout le monde a des chats dans la vie, dans mes amis, fait que j'ai demandé à mes parents, comme, qui m'achètent chez Costco, une grosse boîte d'anti-allergies. Ah. Parce que ça me coûte vraiment une fortune en médicaments contre les allergies présentement, parce que là, c'est vivable. Au moins, ils fonctionnent, tes médicaments, ça. Oh, tu peux aller chez des gens. Ouais, pas pris chez toi. Non, c'est ça, au moins, ma vie serait beaucoup plus simple sans tous les chats. Ou achète-toi un chien, ça va les faire fuir. Ouais, mais je suis allergique aussi aux chiens, fait que c'est pas plus le fun. Tout ce qui est poil. Ouais. Ouais. Oh. OK! OK. On va commencer la chronique d'Anne-Julie avec sa nouvelle intro. Attention! C'est l'index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Toute petite voix. Salut Anne-Julie. J'aime ça. C'est le fun, hein? Ça met de bonne humeur. Moi, j'adore ça. C'est du Jésus Bench 400 livres. Ouais, feu bon. Jésus Bench 400 livres. Hey, c'est bon. Ouais. C'est concept. Donc, Anne-Julie, oui, avec ta toute petite voix, oui. Tu nous mets l'index sur le nez. Oui, tu nous réveilles. Sur le nez aujourd'hui parce que, bon, ben, vous avez pu voir, Jasmine n'est pas là aujourd'hui. Non. On n'a pas pu le voir, là. Non, mais vous l'entendez pas, mettons. Parce qu'elle est malade, elle a la grippe ou le rhume. En tout cas, on va faire la différence aujourd'hui entre la grippe et le rhume. Et comment soigner? Parce que, bon, en tout cas, présentement, au bureau de la GE, à peu près tout le monde est malade. Donc, vous pouvez venir nous poser des questions, mais tenez-vous loin, donnez-nous pas la main. Touchez pas, envoyez un courriel. Non, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que présentement, vraiment, tout le monde a la grippe et ce n'est vraiment pas plaisant. Donc, puis bon, la mi-session s'en vient déjà, hein? Ouais. C'est pas le temps d'être malade et pourtant c'est là que beaucoup d'étudiants tombent malades étant donné qu'ils sont excessivement fatigués. Donc on va essayer de trouver des petits trucs pour éviter d'être malade. Puis j'ai des petits trucs de grand-mère. Tomber malade. Moi j'aime bien ça les petits trucs de grand-mère. Alors, c'est peut-être que t'as pas de lunettes pour avoir ta petite chaîne autour du cou là, puis faire tes petits mouchoirs dans ta manche. Non mais justement les petits mouchoirs, on va en parler des petits mouchoirs dans la manche. Faut hein? du tissu comme dans le bon vieux temps, c'est ça? Ouais. Non. Non, en fait. Non. Mais savez-vous, c'est quoi la différence entre une grippe et un rhume? Êtes-vous capable de dire ça? Une grippe, c'est plus bénin qu'un rhume. Okay. Non, une grippe, c'est pas celle que t'es vraiment au lit puis tu peux pas te lever tellement que t'es faible puis t'es musculairement endolori, etc. Un point pour Mathieu! Yeah. Donc, c'est ça. En fait, la grippe, c'est quand tu fais de la grippe, c'est là que tu vas avoir de la fièvre. que tu vas avoir des maux de tête, des douleurs, des courbatures, beaucoup de fatigue et tout ça. Tandis que le rhume, c'est plus congestion nasale, éternuement, maux de gorge. Puis les deux sont accompagnés de toux, là, sauf que c'est des toux différentes. Oui, il y en a une qui est plus profonde que l'autre, j'imagine. Ça, ils disent, quand tu as le rhume, c'est une toux qui est sèche. Oui. Puis l'autre, c'est une toux qui est grasse. Là. Mais je suis pas médecin, fait que... Ouais. Je dirais que rhume, ça s'apparente pas mal aux symptômes que quand on a des allergies, ça ressemble pas mal à ça. T'sais, ouais. C'est un chat, là, ça ressemble à un rhume. Ouais, c'est ça. Avec, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est très le bonne comparaison. Le nez qui coule, puis tout bouché. Puis... Ouais, désagréable. Bref, tu sais, fait que c'est ça la différence, parce que souvent, on est porté à mélanger les deux. Ouais. Ben, c'est facile, tout le monde dit « j'ai la grippe ». Ouais. Ouais. Oh, ouais. Ah, mais moi, je dis que j'ai Moi, je dis que j'ai la grippe. Bon. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai des courbatures, puis, tu sais, je fais de la fièvre, mais je me plains pas sur la plupart des grippes d'hommes. C'est ça. Ça, tu te laisserais pas affecter par un petit rhume, hein? Une grippe. Non, un rhume, c'est plus faible qu'un. Non, c'est ça. C'est ça. Mais t'as une grippe d'homme, tu te laisserais pas affecter par un rhume. Ah, non, mais un rhume. Hein? Je mange ça le matin. Ah, ouais. Donc, pour éviter d'avoir la grippe ou un rhume, 5 petits conseils bien simples, en fait. Tout d'abord, avoir une alimentation saine. On le répète comme tout le temps, là, manger bien, mais c'est vrai que ça l'aide. Faut manger ses 3 repas par jour, puis avoir... Fruits, légumes. Oui, c'est ça. Une alimentation variée, donc, tu sais, tous les groupes alimentaires, puis manger des fruits, des légumes, et laver vos aliments. Oui, okay. C'est niaiseux, mais quand tu vas à l'épicerie, tu sais pas combien il y a de personnes qui touchent à ton poivron. C'est vrai, ça. C'est le fun. C'est le fun. Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Écoute, puis on y pense pas nécessairement. C'est ça. Puis j'avoue que, écoute, tu vois un vieux monsieur qui éternue dans tes piments. C'est, non, mais c'est con, mais. C'est un peu dégueulasse. Ben, tu sais. Mais c'est la même chose aussi, c'est bien sûr, mais une banane, OK? On va se dire, on lavera pas la banane parce qu'on l'épluche. T'enlèves la. Ben oui. Sauf que. Mais... Tu touches à ta banane. C'est ça. Puis là, tu mets la face, touches... les mains en face. Puis... Ouais, c'est ça. Tu touches à ta banane, mais tu touches pas à ce que tu manges. Tu sais, dans ben, le des sens, fois, ça. Tu la casses, ta banane. Tu laves votre fleur de banane, orange, n'importe quoi. Tu sais, en fond, ça prend 5 minutes. Mais oui. Ben, 5 minutes même pas, là. Ça prend 5 secondes, là, laver un aliment. Juste le passant sous l'eau. Si vous ne lavez pas votre aliment, au moins lavez-vous les mains après l'avoir mangé. Ouais, au moins, au minimum. Ensuite, bon, le sommeil. On le sait qu'en tant qu'universitaire, le sommeil est quelque chose de plutôt restreint. Ouais. Et on va se récupérer tout ça à travers le café et les boissons énergisantes. Mais le sommeil va vous éviter la grippe et le rhume, contrairement à du café. Même si c'est très bon du café. Là. Miam. Donc, il est conseillé de dormir entre 7h et 8h par nuit. Ça, c'est quasiment irréaliste, le 8h. De nos jours, je trouve. En tout cas, moi... Non, faut que tu prennes la tête, en tout cas. Je suis pas une référence en temps d'heure de sommeil. Tu n'aurais pas grand divertissement si tu dormais 8 heures, il me semble. Tu pourrais pas regarder grand TV. Non, entre autres. Tu pourrais pas travailler, tu pourrais pas étudier, tu pourrais pas aller à tes cours. Oh! Hein? Attends un peu. Je suis pas d'accord avec vous autres. Dans le sens, sérieusement, écoute, j'essaie de trouver le temps. Moi, ben, moi j'aime ça dormir. Hein, est-ce que je suis à 9h30, 9h15, genre, toi? Ah oui, mais écoute. Matin, oh mon Dieu! Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que je me suis couché à cette heure-là. Ouais, mais il faut prendre la tête, je pense. Sérieux, c'est important. Non, mais je sais qu'il faut prendre le temps, mais il y a comme chez tellement de choses à faire dans la vie. Ben, oui puis non, en fait, là. Je pense que... oui puis oui, là. Non, je suis pas d'accord. T'as une vie plate un peu. J'ai une vie plate. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a bien des choses à faire. Fait que 7 à 8 heures, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Mais bref, c'est ce qui est conseillé. Puis, ben, c'est sûr que le sommeil, ça l'aide comme dans tout. Ça l'aide à gérer le stress, à avoir une meilleure concentration à l'école. Donc, dormez. Puis, ben, lorsque vous dormez, votre système immunitaire est plus en forme, ainsi que votre personne. Donc, ça vous évite d'attraper des microbes. Ben, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire, tu sais, j'ai pas besoin d'autant de sommeil. T'sais, moi, avec 6h, 6h30, je suis quand même relativement correct. Mais ton corps, lui, a quand même besoin de ça. T'sais, même si toi, psychologiquement, tu te sens réveillé, t'es quand même, ton corps est plus faible qu'il devrait l'être. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, c'est aussi d'avoir, justement, là, une routine. T'sais, si on dort moins, justement, que 7 à 8 heures, puis même si on dort 7 à 8 heures, c'est d'adopter une routine. Donc, on se couche toujours à peu près dans les mêmes heures. Ouais. De pas manger non plus avant de dormir, juste avant de se coucher. Hein, j'ai tendance à manger de la crème glacée. Putain. Oh mon Dieu! Ben, voyons donc, du yogourt au pire, ça va, moi j'en mange avant de me coucher, mais pas de la crème glacée. Ouais, de la crème glacée. Mais bref, on devrait pas manger 2 heures avant d'aller se coucher. Yeah. Deux heures, puis on devrait pas prendre d'excitant, donc tout ce qui est sucre, ouais, caféine et tout ça, mais ça le café à partir passé, de 15 heures. C'est ça. 15 heures, j'avais entendu, mais 5, 6 heures, heures, mettons, 17, 18 heures. Non. À 15 heures, t'arrêtes le café? À 15 heures. Moi, je suis pas capable, je serais pas capable. Ben non, mais non, tu veux justement pouvoir te coucher passer 9 heures et quart, mettons. C'est ça. Moi, je suis genre à boire du café quasiment 2 heures avant d'aller me coucher, là, mais... T'ambitionnes à peine, là, mettons. Mais tu sais, j'ai un petit peu café freak, là. Ouais. Un petit peu. Mais... C'est correct, ça. On a tous nos petits dédags, hein, crème glacée. Ça. Ouais. Ouais. Crème glacée, yogourt, café. Hein? Oh, miam! Bon. Le trifecta. Ouais. OK. Troisième conseil. On a parlé de papier mouchoir. En fait, oui. Utilisez des papiers mouchoirs jetables, donc pas ceux en tissu comme on parlait tantôt. C'est ça. Parce que c'est pas chic, ça. À moins que tu les laves comme à toutes les fois que tu les utilises. En tout cas, moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Est-ce qu'il y a encore. Est-ce que ça se vend encore? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a des personnes âgées qui utilisent ça. Mon grand-père utilise ça. Ouais, mais ils prennent des bouts de chemise, genre. Mais non. Ils n'achètent pas des vrais tissus. Hein. C'est sûr que ça se vend. Je suis convaincue qu'on peut trouver. Ouais, moi aussi, je dirais. Sucer. Ouais, sucer. Sérieusement. En tout cas. Mon grand-père disait ça. Oui, donc c'est ça, c'est... Puis, utilisez des papiers mouchoirs, là, c'est sûr. Mouchez-vous pas avec votre manche et votre main, là, comme les enfants font, ben là. Oui. Est-ce que tu suggérais les mouchoirs anti-virales? Peut-être, ben, ça serait bien. Pense, ben c'est mon opinion personnelle, là, que c'est juste pour vendre plus cher. Ouais. Là. En tant que tu te laves les mains après, tu jettes dans une poubelle qui est comme semi-hermétique, parce que c'est en mettant tous tes Kleenex sur la table du salon, mettons. Ouais, c'est ça. Les virus... C'est ça, je dirais, c'est ça, je pense que... À la limite, il y en a qui sont comme plus doux, là, puis qui ont de la petite lotion. Ça fait du bien quand t'es bien malade. Oui. Ça, je l'avoue qu'il y a une différence entre 3 plis et 1 pli. Oui, là. Oui, un oui. pli, ça fait comme un petit peu mal au nez quand tu te mouches souvent. 2 plis passés. Non, c'est ça. Mettons, vas-y avec 3 plis quand t'as le bain à la grippe. Là, mais, Puis du Vicks, là, c'est même pas du vrai Vicks qu'il y a dedans. Là. C'est juste l'odeur du Vicks. Oui, mais ça fait du bien mais aussi. Ça fait du bien. Oh, mon Dieu. Hein? Pour vrai, on était des experts de Kleenex. Ah, laisse-nous oui, parler. Oui, mais ben, tu sais, moi, avec mes allergies, j'étais habituée de me moucher, donc aussi, je peux ça. Les comparer. Oui. Mais c'est ça, c'est jeter vos papiers mouchoirs, puis tousser dans votre coude aussi. Mais ça, là, je peux pas ne croire qu'il y a encore du monde. Pas dans vos mains. Voyons donc. Ils sont là, puis ici. Crache ça en face, toi. Mais c'est pas juste ça, là. Il y en a qui toussent dans leurs mains, puis après ça, ils vont tirer la main. C'est si tu tousses dans ton coude, ben au moins en classe. Puis tu sors le coude après? Ben, moi, je te serrerai pas le coude. Ouais. En tout cas. Comme, c'est qui, Howie Mandel, qui fait des fists, là? Tu sais, là? Qui est avec les poings. Ah, peut-être. Non? C'est parce que. Oh, ouais, je vois quoi. Ça empêche les virus. Okay. Non, mais c'est cool aussi, ouais. Hein? Voilà. Non, c'est cool. Comme Barack Obama, il fait ça aussi. Oh, vrai? Ouais. Bon. Mais c'est ça. Puis vos papiers mouchons, là, mettons, vous êtes dans un cours parce que vous allez à l'école, vous êtes à l'université. Apportez-vous, genre, un petit sac Ziploc pour mettre vos papiers mouchoirs dedans au lieu de les laisser traîner sur votre bureau. Puis que moi, après ça, j'aille à mon cours et que je touche à tous vos microbes. Mm. Mais il n'y a pas juste moi, tu sais. Il y a comme 10 000 autres étudiants dans l'université, exact. Plus les profs, plus le staff. Puis ils se lavent tous pas les mains après être allé aux toilettes en plus. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Non, c'est ça. Faut pas vivre, c'est de savoir vivre. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis un petit peu comme bactérie freak dans la vie. En fait. Là. Mais j'aime mieux vous donner comme plus de conseils pour que ça m'égare moins. J'aime bien ça. Puis, c'est ça, laver vos mains, c'est sûr, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est dit qu'on devrait se laver à peu près les mains 1000 de fois par jour. Je dois faire ça au moins 4 fois, 10 fois ouais, là, ouais, dans moi une journée. Moi aussi, ouais. Mais lavez-vous les mains, puis se laver les mains, c'est pas à l'eau froide, bas de savon en 4 secondes. Là. C'est comme, prenez le temps, il y a des belles petites affiches des toilettes dans l'université sur comment se laver les mains. Prenez le temps de le faire. C'est Purel, là, c'est entre deux lavages de mains, c'est pas en remplacement du lavage de mains. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est Purel, c'est bien pratique quand t'es dans ton cours, c'est mais ça. Tu sors de ton cours, tu jettes tes papiers mouchoirs, tu laves les mains à l'eau chaude, savon, tout va bien. Hein? C'est pas long, là. Pas compliqué. Là. À l'intérieur, puis les en même temps, doigts, faut pas virer fou non plus avec les antiseptiques. Non, c'est non. Ça. Faites attention à ça. Non, c'est ça. C'est pas du savon. C'est ça. C'est pas du savon. Puis les bactéries sont encore sur tes mains. Tu sais, ils sont juste morts. Ils sont sur tes mains. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais tu peux. Tu peux licher après. Tu peux licher. Ah, mais ça goûte tellement mauvais. Vous avez-vous des. Rarement ai-je goûté à ça. Rarement. Non, mais admettons, tu te laves les mains avec du Purel. Tu manges des chips, tu te liches les doigts. Oui, exactement. Non, mais tu manges quelque chose après, puis là, ça goûte. Tu manges en même temps une pomme, puis ça goûte le Purel. On mange pas les mêmes choses, mais ouais, je comprends. Ah, en tout cas, c'est dégueulasse. Mathieu mangeait une pomme. Pomme, voyons là. C'est un fruit. Je pense que je vais faire une chronique sur genre les fruits et légumes et les hommes, parce qu'on dirait que ça a l'air difficile pour les gars manger des fruits et légumes. C'est pas des fruits et des hommes. J'aime ça comme ça, des fruits. C'est des kiwis et des hommes, donc là, ça va être. J'étais allergique aux kiwis, moi. Ah, pour vrai? C'est si bon. Ça te donnerait-tu une grosse gorge ou une grosse âme? Oh non, c'est pas cool. Intolérante, genre. Ouais, intolérante. Moi, là, je mange mes kiwis avec la pleure. C'est si bon. Ah! Plusieurs personnes trouvent ça étrange. C'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire, t'sais. T'es une originale, toi? Oui. C'est un petit côté un peu spécial. Freak, ouais. Un petit peu freak. Non, freak du café, pas des kiwis, là. Non. Bon. Dernier conseil, couvrez-vous, hein? Oui. On le dit en avril, ne vous découvrez pas d'un film, ouais. Mais ça commence dès maintenant, comme. OK. Dès il y a deux semaines. OK. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est plus frisqué. Faut faire attention. Ben, faites pas comme moi, mettez pas les filles, les petites ballerines, tu sais, mettez des bottes avec des bottes. Ça, c'est tes petits souliers, genre. Ouverts, là. Puis. Ben là, j'ai des petits pas de grand-mère, là, un peu laid, là. Tu voulais jouer ton rôle de grand-mère. Ben, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça, couvrez-vous, mettez un foulard, des gants, une tuque s'il fait froid, là. Ça, faut pas non plus exagérer, là. Une cagoule, peut-être pas. Non, c'est ça, on est peut-être pas rendu là, mais habillez-vous. Des fois, je sais bien que c'est bien cute, les petits souliers et tout ça, mais les filles sont de même, hein. Ah, oh, mais petits bas collants, faut que j'y porte jusqu'au mois de décembre, tu sais, non. Non, c'est ça. À la limite, prenez-vous une case à l'université, puis changez de souliers, puis laissez vos gants, votre tuque, votre foulard dans votre case. Que ça va vous éviter d'être malade, puis après ça, de manquer des examens ou de pas être en forme pendant les examens puis les travaux. Hein? Tu sais, je fais ça pour vos études. Là. Bon, et là, pour vous autres, et là, pour votre bien. T'es si gentil. Ben ouais. J'en reviens pas. Ben, tu sais, c'est important, les étudiants. Hein? Ouais. Puis, ben là, j'ai des petits trucs de grand-mère, parce que moi, j'aime bien ça. Oh, fais la voix de la grand-mère. Je suis pas capable de faire ça. Laisse faire. J'ai comme un thème de voix qui varie, tu sais. Oui, ta petite voix. Ouais. Oui. Hein? Avec différentes octaves. Bravo. On me dit ça. C'est musical, ça. Mais ouais. Donc, un petit truc de grand-mère pour les maux de gorge. Du gin. Du gin? Ouais. Ouais. Ben, c'est plus de grand-père, je pense. Ouais. Hein? On va jouer au poker, on va boire du gin, fini le mal de gorge. Ben oui. Mais la grand-mère, elle, te dirait, coupe un oignon en deux. Ah. Craig dedans. Non. Pas sûr, Adam. Colle-le sur ta gorge, hein? Avec un foulard. Pendant quelques heures et ton mot de gorge va disparaître. Du Vicks, ça serait le fun. Il me semble à la place. Ça marche-tu? Ben, celui-là, je ne l'ai pas testé. OK. Mais je l'ai entendu vraiment souvent même. Oh, j'aurais tendance à l'essayer. Peux-tu te mettre des rondelles d'oignon à place? C'est meilleur. Des onion rings? Ouais, ouais. Des manches? Ouais, ouais. Ah, si tu fais un collier d'onion ring. Non? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, faut une variante. Sinon, pour soigner une toux. Mais on va voir là, qu'il y a comme un élément qui est dans tous les trucs de grand-mère, les oignons. Fait que moi, je pense que les oignons, ça marche vraiment parce que c'est dans toutes les recettes. Ouais. Donc, pour soigner une toux, c'est faire bouillir deux oignons, une branche de thym, quatre cuillères à sucre, puis dans de l'eau. Hein? Cuillère à sucre de sucre? Moins quatre cuillères de sucre. OK. Moins quatre cuillères de sucre. C'était pas clair. C'était pas clair, en effet. Donc, dans un petit peu d'eau. Puis après. Buvez ça. Ouais, une fois que c'est froid, on prend deux grosses cuillerées trois fois par jour. Puis hop, la toux n'est plus là. Ouais. Mais ça a l'air que ça marche. Ouais, j'imagine. Essayez-les un jour. Sinon, j'ai deux mélanges aussi de thé. Parce que tu sais, le thé, c'était bien en mode. Oui. Fait que là, ben, faites votre propre thé contre la grippe. Thé. Hein? Donc, pour vous nettoyer l'intérieur. Pour la propre thé. T'as ben compris oui. là? Non. OK! Donc, on va se faire du thé bientôt hein, pour éviter d'avoir la grippe. Donc, pour éviter. OK, j'arrête. Hey, t'es en feu un matin, Mathieu. Ouais, ça me manque, les jeux de mots de thé. On avait une chronique de thé avant, puis j'en faisais plein. J'aime ça. Et là, je vais te parler de thème de nez, comme ça, tu vas être bien content. Oui. Moi, j'en ai comme une collection. Oui. Hein? Je vais tellement en faire que ça va t'irriter. comme là, ça. Ouais, OK. Tu me l'as-tu fait non? Oui, s'il te plaît. OK, donc, le premier mélange, c'est un bâton de cannelle avec des clous de girofle, quelques fleurs de tilleul et faire infuser le tout dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Puis après ça, on met un petit peu de miel, puis on boit. Ça a l'air que ça nous nettoie tout ça, puis ça nous nettoie tout ça. Ben oui. Ben ouais, hein, bon. Les muqueuses, puis ces affaires-là. Il n'y en a plus de problème. Il n'y en a plus de problème selon les grand-mères là, avec ça. Sinon, l'autre qui est spécialement, je trouve, pour les gars, vous allez voir, en fait, c'est de porter à ébullition un verre de bière, lui mettre un peu de poivre et consommer une fois tiède avant de se mettre au lit. Hein? Puis, il serait normal de transpirer beaucoup pendant la nuit après avoir ingurgité ce thé. Non. C'est pas ça. Il y en a qui disent que ça casse une grippe hein, de boire à outrance de l'alcool fort. Oh, mais là, c'est une bière, c'est pas vraiment du fort. Non, là. C'est ça. Mais virer une brosse. Ouais. Je me suis déjà sauvé d'une grippe en virant une brosse. OK, tu le sais parce non, que mais t'sais, t'sais, ben oui, en fait, t'as mal à la gorge, tu sais que ça s'en vient. Puis écoute, le lendemain, il n'y a plus rien. Ben. Mais tu sais, écoute, ça marche ou ça te détruit, là, tu sais. Je le conseille pas à personne, mais sinon, écoute, truc de grand-père, une ponce de gin, un peu de gin, l'eau chaude et du miel, tu brasses ça, tu bois ça, en fait, et puis... Ouais. Mais pour avoir hier regardé plusieurs recettes et trucs de grand-mère, je vous dirais que le gin, les oignons, le miel, puis comme les clous de girofle, puis du lait, là, c'est pas mal mélanger tout ça ensemble, puis... ça devrait... Ouais, parce que c'est des éléments qui reviennent avec quelques variantes, fait que moi, je pense, mettez tout ça ensemble, puis... Dans le blender, ah oui. Ben ouais, puis gardez, c'est réglé, votre grippe, votre rhume, puis... Saupoudrez votre crème glacée de tout ça. Alors, allez vous coucher pour vous éviter la grippe ou le rhume. Fait que c'est ça. Hein? Fait que bref, faites attention à votre santé parce qu'on veut vous voir en forme. Ben oui. Puis que vous réussissiez vos examens puis vos travaux puis tout ça, là. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, Jasmine Raymond-Rainville. Ben oui. Tu sais. J'ai fait cette chronique-là pour toi parce que tu vois, t'as pas écouté les petits conseils des grands-mères. Voilà. Merci, Angélie Durocher. Je te dirais merci pour tout. Ça fait plaisir. Oh ouais, ça fait plaisir. Parce que c'était de toute beauté. Tu pourrais écrire les messages d'un carambard, hein? Merci. Merci. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, c'est mercredi à 7h45. Là, on t'a déplacé à 8h parce que Jasmine n'était pas là et on voulait te laisser te lever plus tard. Ouais, mais je me souviens plus tôt, finalement. Ouais, plus tôt, exactement. Ça va prendre mon stationnement. Je m'excuse. Oh. J'ai déçu le cœur. Bon. Ça va se battre ici dans le coin. Mais ouais, je me suis déjà fait traiter de violence, là. Oui, ça, c'était moi, ça, je pense. Hein? Ouais. Désolé. Je le pensais pas vraiment. Ça. Ah, j'espère. C'est de la frustration, là. Vas-y. Il est loin, il va. Il est si fin, il fait des jeux de mots. Merci. Lui, il est drôle. Ah. Charmant. Merci encore et à la semaine prochaine. Merci. On va continuer avec Élie Papillon et la pièce Une chanson pour tout dire. Après ça, on revient avec Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. C'est sa chronique sur la culture sportive. À Assemblage Rock. Pour raconter les folies que fredonne les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Elles errent dans les coulisses. Et puis y en a qui osent dire, sans gêne et à voix haute, les passions du printemps sous les draps. Tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Quelques-unes aiment me parler, mais celle que je t'écris, j'ai peine à l'achever. Les mots sont égarés, ils traînent dans ma tête, et j'ai pas l'air pour danser. Sur une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Olivier Papillon et une chanson pour tout dire à Assemblage requis. Je vous avais dit qu'on parlerait de sport dans quelques minutes, mais avant ça, on a la GEQTR à faire. Et comme Jasmine n'est pas là, on va faire ça, Anne-Julie, François et moi. Et on va chanter quand même avant. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. C'est la flûte qui est géniale là-dedans. Donc, commençons avec le championnat trifluvien universitaire de tir au poignet. Les inscriptions se font jusqu'à 17h aujourd'hui, mercredi 26 septembre. Il faut s'inscrire auprès de Mathieu Roy. L'adresse est vpasso.ageuqtr.ca, vpasso.ageuqtr.ca. D'ailleurs, les gens peuvent s'inscrire jusqu'à 17h, c'est ça. L'événement a lieu ce soir à la Chasse-Galerie, 19h. Le championnat trifluvien universitaire de tir au poignet qui vise à rassembler une foule d'individus dans une compétition saine, amicale et conviviale. Tous les étudiants sont bienvenus. Il y a plusieurs catégories de poids pour les participants, évidemment, parce que... Ça, c'est une bonne idée, là, parce que, écoute... Un gros gars bien musclé contre un toit, mettons. Ouais, c'est ça, je pourrais manger une volée. C'est... Tu revolerais pas mal. Sinon, on a aussi l'Assemblée générale annuelle qui a lieu mercredi le 3 octobre prochain à 13h. On avait dit midi au départ, mais ça a changé. Oui, on a changé d'heure. 13h. La levée de cours commence à 13h30. On sait qu'il y a un décalage entre les heures. Mais en fait, c'est... Ça commencera pas à l'heure, de toute façon. Mais c'est ça, tu sais, de toute façon, il y a tout le temps la période de temps où le monde s'inscrive, rentre dans la salle, puis, tu sais, il y a tout le temps la poutine habituelle, là, l'ordre du jour, élection de président, secrétaire d'assemblée, là, les petits trucs comme ça. Donc, si vous arrivez à 13h30, vous allez rien manquer d'intérêt... Ben, pas d'intéressant, mais d'important, là, parce que tout est intéressant dans une assemblée générale. Toujours, toujours. Et c'est quoi les points les plus importants pour l'assemblée générale? Est-ce que tu sais ou je te prends un peu de cours? Ben, ouais, hein, j'y connais pas par cœur. OK, mais c'est ça. Mais il y a plusieurs choses, là, entre autres. Donc, il y a les états financiers. OK, la présentation des états financiers. Oui, c'est ça. Garde tes états devant toi, François, les points. OK, parfait. Grossis le texte, grossis le texte. Mais c'est ça, il y a entre autres, bon, on adopte les procès-verbaux des... quatre dernières assemblées générales, parce que l'année dernière, on en a eu quand même plusieurs assemblées générales. Oui, pour les grèves. Tout ça. Donc, c'est important de les lire parce que, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez dit lors de ces assemblées générales-là. Prenez le temps pour vrai, ça prend même pas une heure, là, lire les quatre PV. Là. C'est ça, c'est important que vous les disiez. Oui, c'est ça, on peut les lire, mais c'est parce que si on n'a pas été là, on peut pas les approuver ou. Ben, vous allez pouvoir les adopter, là, parce que dans les procédures, ça marche, mais c'est préférable que ce soit quelqu'un qui était là. De toute façon, on les adopte un à un. Là. Mais lisez-les, c'est important. C'est important de comprendre aussi le contexte. Qu'est-ce qui a été dit? Si vous regardez le procès-verbal de l'année dernière, il y a des choses qui vont faire suite au cours de cette assemblée générale-là. Donc, c'est important d'être au courant. Prenez le temps de les lire, ça se lit bien. Puis, c'est ça. Là. Il va y avoir des changements au statut et règlement général. Ben, en fait, il n'y aura pas de changement à cette assemblée générale-là. En fait, on fait juste dire qu'il va y avoir des avis de motion. Okay. Donc, comme à chaque année, on a une deuxième assemblée générale, mais pas une annuelle. Là. C'est une assemblée générale spéciale à l'hiver. Puis, lors de cette assemblée générale-là, on va faire des modifications au statut et règlement. Entre autres, concernant sûrement la grève, les modalités de grève et tout ça, parce qu'on avait des flous dans nos statuts règlements. Okay. Donc, on va apporter des modifications. Puis, en fait, c'est juste pour aviser le monde qu'il va avoir des changements. Okay. Puis, au cours des prochains mois, là, peut-être au début de la prochaine session, on va publier justement ces modifications-là une fois qu'ils vont être terminés, là, parce qu'on doit finir de travailler là-dessus. Puis les gens vont pouvoir les consulter avec. Oui, oui, oui, c'est sûr et certain que vous allez avoir au minimum 2 semaines pour consulter ces documents-là. Parfait. Génial. Voilà. Donc, on rappelle, c'est mercredi prochain, le 3 octobre à 13h. Et puis, on vous rappellera les modalités pour la levée de cours la semaine prochaine dans la même chronique. Ben, c'est ça, mais c'est 13h30 à 17h. Si vous avez un cours à midi, vous y allez quand même jusqu'à 1h30 si vous voulez. C'est ça. Puis après ça, ben, à 13h30, le prof est tenu de ne plus donner de cours, à moins qu'il y ait remise de travaux, examen ou laboratoire. Sinon, vous n'avez pas de cours. Voilà. Et comme je disais, on le rappellera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, retenez ça mercredi 13h prochain. Pas là, là. Voilà pour la chronique de la GEQTR. Jasmine devrait être de retour la semaine prochaine pour faire ça avec nous. Ça allait écouter mes petits conseils anti-grippe et rhume, elle va être en pleine forme. Clou de girafe. Clou de girafe, gin. Lait. Bière. Comme glacée, je pense qu'on avait dit. Sucre. Ouais, tout ça ensemble. Ouais. C'est ça. Jus de betterave, nous dit-on. Tout à fait. Parlant de nous dit-on, cet homme, Maxime Bilodeau, s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Mais pour l'instant, quelques petits messages. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. On recevra l'artiste Michel O et le groupe Civil and Bad Habits en entrevue en performance. Et François Landry, notre rockstar de la politique, sera là pour sa chronique Logocratie 101. C'est demain de 7h à assemblage requis. Soyez-y. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu Plante, François, Olivier Marchand. Vous êtes toujours à Assemblage requis, une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Il est 8h32 minutes. Et puis, on aime ça. Jusqu'à maintenant, l'émission va très, très bien. Oui, ça roule bien. Très bien. Oh. Ça va, ça coule. Ça coule dans l'huile. Ça baigne dans l'huile. Ça coule comme un nez lors d'un rhume. Oh, t'as, ben ouais. Hey, on fait des liens. On fait des liens ici. On fait des liens, mais ça, qui n'ont pas rapport avec ta chronique. Fait qu'on va faire d'une chronique à l'autre. C'est génial. D'une chronique à l'autre. Comme transition entre les. Il pourrait avoir une chronique entre chaque chronique, ça paraît d'une chronique à l'autre. Oh, pas pire. Tu peux me botter les fesses quand tu veux avec les souliers de marche ou de course ou de. C'est quoi des souliers de. De ça va être de course à pied, souliers minimalistes. Parfait. Ben, c'est dans une foulée, d'une foulée à l'autre. Bon matin, Maxime. Bon matin, messieurs. Ça va bien? Oh, très bien, vous-même. Très bien, merci. Toujours bien. Yes. À radio, en tout cas. Non, ça va très bien pour moi. Donc, aujourd'hui, tu nous disais, on parle de souliers, puis, Krim, ça va nous donner un. Des souliers minimalistes. Ça va nous mettre des le pied. Des souliers minimalistes. Comme je vous ai promis la semaine dernière, je vais vous parler de chaussures de course à pied, de souliers minimalistes, soit la mode de la chaussure minimaliste. Dans le fond, je vais commencer par vous dire, on dit une mode de souliers minimalistes. Vous êtes probablement rentré, je sais pas, je ne vous connais pas intimement, messieurs, mais peut-être que vous êtes rentré dans des magasins de sport, ouais. De chaussures de sport. Mathieu expert. Plante! Jamais. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans une autre vie. Ouais. Non, mais pour être sûr de bien comprendre, oui. C'est quoi un soulier minimaliste? Un soulier minimaliste, dans le fond, c'est un soulier qu'on appelle également un soulier fonctionnel. Ce que vous avez probablement eu comme soulier de sport, vous, messieurs, et moi-même également, c'était des souliers qui sont relativement rembourrés. C'est des souliers de sport qui ont un certain rembourrage, des gels en dessous du talon, entre autres de la semelle, des souliers qui sont un peu gros, relativement lourds pour des souliers de sport. C'est sûr que c'est jamais bien lourd des souliers de sport, mais ça c'est ce qu'on appelle, ce que je suis en train de vous décrire là, c'est un soulier qu'on appelle traditionnel ou maximaliste par opposition à minimaliste si on veut. Mais les souliers plus communs. Et voilà, on va dire plus commun qu'on a longtemps été habitué à porter. C'est des souliers sont apparus dans les années 1970. Il y a une compagnie à un moment donné qui a eu la géniale idée de se dire, OK, quand on court, on attaque le sol, il y a des forces d'impact au sol. Pour limiter ces forces d'impact au sol-là, qui retournent au corps par la suite et qui font mal au squelette, qui mènent aux blessures et à tutti quanti, eh bien, on va mettre des technologies sous des chaussures pour nous protéger contre ces forces d'impact-là. C'est quoi la première compagnie? Je pourrais pas dire quoi la première compagnie. Nike a fait ça très rapidement avec des leur technologie maison, c'est de l'air. Donc, c'était des poches d'air en dessous de la chaussure. Mais là, chaque compagnie a sa petite technologie maison. ASICS, par exemple, c'est du gel. D'autres, ça va être des polymères qu'on va mettre en dessous, dans le fond, qui va être du EVA, qu'on appelle, pour justement faire cet effet d'absorption-là. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaussure traditionnelle qui est apparue dans les années 1970 et c'est devenu la norme. C'est facile à penser. C'est le bon sens, c'est le sens commun, si on veut, de se dire, bon, ben, on va se protéger. On va mettre des protections sur les chaussures, dont des technologies également qui guident les pas et plein de gadgets, en fond, qui, d'un point de vue scientifique, ne sont pas nécessairement validés. Okay. Est-ce que ça ne change pas nécessairement quelque chose? C'est ce qu'il faut comprendre. Okay. Mais, du marketing. C'est une grosse, encore là, une théorie du complot. Mais le confort aussi rentre en Le confort, je vous dirais que pour la chaussure minimaliste que je m'apprête à vous parler, c'est le confort, à mon juste sens, est tout aussi bien que dans une chaussure traditionnelle, sinon mieux. Parce qu'une chaussure minimaliste, par description, c'est une chaussure qui est plus légère, une chaussure qui est plus près du sol, une chaussure qui est plus large au niveau de la cage à orteils. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu des pieds de grand-maman, des pieds de grand-mère avec des oignons, qu'on appelle des hallux algus, des pathologies de pieds, dans le fond, des podiums. On peut pas penser à ça, là. C'est voilà. Pas le matin, mais vu l'image dans votre tête le reste de la journée. Mais des chaussures traditionnelles, oui, avoir porté des chaussures tout le temps, en fait, peut mener à ce type de conditions-là. Ouais. Donc, une chaussure de malice, par définition, on laisse beaucoup de place aux orteils pour justement ne pas mener à ce type de problème-là. Okay. C'est également une chaussure qui est très flexible. C'est pas une chaussure qui a de rigidité dedans, une chaussure de malice. Une chaussure qu'on peut prendre et qu'on peut tordre. Ça, les podiatres n'aimeraient pas ça. Ils veulent des semelles solides. Et voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base de la chaussure minimaliste, c'est l'idée selon laquelle le corps s'adapte. Ouais. Le corps, peu importe le stress qu'on va y mettre dessus, il va finir par s'adapter. C'est sûr que selon les âges, selon les profils des gens, les capacités d'adaptation varient, mais c'est indéniable. Chez tous les êtres humains, on a une très grande capacité d'adaptation. C'est sûr, il n'y avait pas de souliers, il y a quelques temps, mettons, en arrière, il n'y avait pas de souliers du tout, puis les gens s'adaptaient. Donc, et voilà, parce que ce qu'il faut comprendre également d'une chaussure de malice, c'est que c'est une chaussure qui se rapproche du pied nu. Ouais. C'est comme ouais, expliquer. C'est comme un bug, quasiment. La seule chose que ça fait, c'est que ça fait ce qu'une chaussure a été conçue pour faire à l'origine, soit nous protéger de l'abrasion des roches, des débris sur la route. Et voilà. C'est la seule chose que c'est supposé faire une chaussure. Tu sais, on parle de chaussures minimalistes comme d'une mode. À quelque part, depuis 6 ans, oui, c'est redevenu une mode, dans le sens que c'est réapparu comme soulier de course, et voilà. Mais avant ça, les premières chaussures qui ont été inventées, là, c'était des mocassins en cuir. Ben oui, tout à fait. C'était une chaussure minimaliste. C'était chaud, c'est sûr. Du cuir, c'était probablement chaud pour les pieds. Mais il y a quelques millions d'années, les premières chaussures qu'on a trouvées, c'est des chaussures tout à fait minimalistes. Avant ça, les gens marchaient et couraient nu-pieds et vivaient nu-pieds. Et pourtant, nous voici aujourd'hui, on n'est pas mort à cause de ça. Il faut comprendre que la chaussure, aussi bien soit-elle, ça reste une interférence avec le sol. Donc, cette interférence-là, on veut la minimiser, de là la chaussure minimaliste. Pour être plus proche de la nature, être plus proche du naturel, être plus proche d'un état justement de pieds nus. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, également, d'une chaussure, c'est que ça a 3 effets sur la personne qui la porte. Okay, peu importe qu'on parle de chaussures minimalistes ou chaussures traditionnelles, maximalistes, peu importe, ça a 3 grands effets. Premier effet, c'est anatomique. Qu'est-ce que je veux dire par anatomique? C'est qu'en portant ce type de chaussures-là, c'est qu'on a des tissus autour, dans tout ce qui est la chaîne postérieure, qu'on appelle la jambe, le pied, tout ça. C'est qu'en portant des chaussures, ça finit inévitablement par modifier la longueur des tissus et la configuration des tissus mous, des muscles dans cette région-là. Pour le mieux? Quand on porte le minimaliste, cette altération-là est très minimale, est très, très minime. Okay. C'est ce qu'on cherche. Justement, l'idéal, ce serait d'être pieds nus, mais bon, il y a malheureusement... C'est difficile de nos jours avec toutes les bouteilles cassées à terre. L'hiver également, le regard social. Si je sors chez nous tous les matins pieds nus, je vais me faire regarder croche. Si t'enlèves tes souliers dans le studio comme un invité va faire à un moment donné, sans le demander. Tu t'en rappelles de ça? Ouais. Anecdote. Ce fut épique. Pour l'anatomie, si on prend une chaussure traditionnelle qui est légèrement surélevée, comme je vous dis, au niveau du talon, qui est beaucoup bourré, ce que ça fait au niveau anatomique, c'est que ça cause des raccourcissements de certaines chaînes musculaires. C'est comme, je vais vous donner un exemple très très grossier, mais ça reste que c'est ça. Prenez une chaussure à talon haut, que mesdames portent. Si elles portent ça très très fréquemment, ça finit par causer un raccourcissement de tous les muscles du mollet. Donc après ça, elles prennent. Tes muscles et voilà, se retrouvent en position raccourcie et un muscle, par définition, c'est plastique, donc ça finit par adopter une longueur définie. Ouais. Donc, c'est un des effets anatomiques. Sinon, un autre effet très important, c'est un effet neurophysiologique qu'on appelle. Neurophysiologique, on décortique neurone, c'est le cerveau. Physiologique, donc c'est les sensations. C'est au niveau vraiment tactile. Avec une chaussure traditionnelle qui est très rembourrée, on sent plus très très bien le sol. On est déconnecté du sol et à long terme, ça finit par altérer nos sensations. On finit par devenir intolérant à juste se promener pieds nus. C'est drôle que tu parles de ça. Je pense que c'est un peu mon cas. Oh, c'est le cas de beaucoup de gens, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, j'ai de la misère à enlever mes souliers. Mm-hmm. Euh, je sais pas, mais c'est pas bon, hein. Il faudrait que je m'habitue. Optimalement, oui, d'une perspective de santé. Là, ça dépend tout le temps aussi également. Ça dépend d'une nombre de facteurs d'habitude de vie. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Sauf que quand on fait un sport comme la course à pied, ça peut être une bonne chose également. Puis juste pour une perspective de santé également, ça peut être une excellente chose. Mais bon. Parce que moi, je porte des orthèses dans mes souliers. Oui. Parce que j'ai les pieds qui s'affaissent, ce qu'appelle, ça. Et puis, justement, ils me disent de jamais ne pas les porter. Parce que sinon, jamais mon pied va revenir à son ancienne forme. C'est une autre chose qui me fait bien rire personnellement. Oui. Je ne questionne pas le diagnostic. Loin de moi l'idée, mais bien des gens ont des orthèses dans leurs pieds et ne devraient pas en avoir. J'ai déjà lu mes genoux quand j'ai pas mes orteils. J'ai lu un texte fascinant récemment qui racontait que certains podiatres prescrivent jusqu'à 90% de leurs patients des orthèses. Oui. Donc c'est comme systématique. Donc, mais c'est leur job. C'est un bel. C'est leur job. La podiatrie est infiniment plus complexe que ça, je pense bien. Mais reste que c'est rentable à quelque part. Oui. C'est rentable, oui. Puis pas pour mon portefeuille. En tout cas. C'est rentable pour le leur. Ça finit par causer justement cette altération-là de toutes les sensations, de toutes les sensations tactiles au niveau du pied. Ça finit par le sensibiliser. Et dans le fond, je vais faire une petite analogie avec ça. C'est comme si vous aviez tout le temps une grosse mitaine de four dans votre main. Ouais. Si vous aviez une grosse mitaine de four tout le temps dans votre main, premièrement, vous vous rendriez vite compte que votre main, elle devient paresseuse, elle devient moins agile. On a les doigts très agiles, on est capable de. Et voilà. Les sensations seraient très vite altérées. Notre main deviendrait très, très allergique au monde extérieur. Et c'est un peu le même principe qu'on fait quand on met des souliers constamment. Et encore plus avec des souliers très, très maximalistes, très, très protégeants. Ouais. OK. Des bas. Est-ce que ça vient jouer là-dedans? À la limite des bas, au niveau tactile, au niveau neurophysiologique, il y a effectivement une altération. Sauf que là, on est bien loin d'une semelle très rigide d'une chaussure. C'est sûr, on est très loin c'est minime l'altération. Et voilà. Finalement, dernier effet dont je vais vous parler, c'est un effet biomécanique qu'on appelle. Parce qu'il faut savoir que quand on a biomécanique étant la façon qu'on bouge, toute la science, la cinétique, les cinétiques, donc les forces, les cinématiques étant la façon que les forces se répartissent dans le temps et tout, eh bien, quand on court, bon exemple, quand on a une chaussure traditionnelle dans les pieds, c'est reconnu que ça affecte notre biomécanique dans le sens que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on va attaquer plus du talon. Donc, on va attaquer plus du talon, ça implique faire des plus grandes foulées. Ça veut dire également avoir un comportement de modération d'impact, un comportement où on modère justement nos impacts, où on essaie d'atténuer le choc par nous-mêmes, par notre musculature et non par l'usage d'un outil. On essaie d'atténuer les chocs. C'est ça le comportement de modération d'impact. Ça vient finir par ne plus fonctionner. Donc, la biomécanique étant altérée, on court de façon un peu différente et c'est une façon qui, bien que dans la littérature, n'est pas encore proprement reconnue, n'est pas encore proprement élucidée. Ça viendrait tout de même causer plus de blessures à long terme. Comparément à une façon de courir plus minimaliste qui implique des plus courtes foulées, un meilleur comportement de modération d'impact. Donc, on se protège par soi-même. Le coureur finit par se protéger lui-même du danger. Et je pense que c'est plus sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, en anglais, ils appellent ça forefoot. En fait, c'est pas à proprement dire sur la pointe des pieds. L'avant-pied, c'est... Mais pas le talon. Le contact initial ne se fera pas au niveau du talon, mais le talon va quand même être impliqué dans l'absorption des chocs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pied va arriver à plat et va absorber le choc. Okay. Le talon va toucher le sol, mais ce ne sera pas le premier point d'impact au sol. Et c'est pas par là que tous les chocs vont passer. Mm-hmm. Ce que justement fait avec une chaussure maximaliste. Normal, ouais. Et voilà. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre également de la chaussure minimaliste, c'est que ça demande une certaine adaptation. Quand on change de un à l'autre, si vous avez tout le temps porté des grosses chaussures très très rembourrées, si vous avez tout le temps couru avec ça, si vous avez tout le temps vécu avec ça, c'est ce que tu me parlais tantôt, justement, t'es rendu intolérant aux pieds nus. Si je te mettais dans une chaussure minimaliste, je te disais, va courir ton 5 km que tu cours habituellement, ce serait pas long que tu te blesserais. Tu t'aimerais pas, là. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs gens qui n'aiment pas ça, qui sont allergiques à ça, certains physiothérapeutes, certains vendeurs de chaussures. C'est juste une habitude. ben c'est une habitude, mais ça demande justement, quand on disait que ça change un peu, le, il faut s'écouter plus, il faut courir plus au naturel à quelque part, faut ben c'est justement, ça demande plus d'être de faire attention à qu'est-ce qu'on sent. Allez-y de, graduellement peut-être. Ouais, d'y aller graduellement, de faire attention à la mise en charge qu'on met, donc calculer, planifier ça, les mises en charge et le volume d'entraînement. Sur quelle surface on court peut-être aussi. Sur quelle surface on court, effectivement. Donc ça demande d'un peu replanifier ces choses, ouais, et de faire une transition tranquillement. Sauf que à long terme, et là je parle en tant que coureur moi-même, ayant vécu l'expérience. Donc tu utilises ces souliers-là? Oui, j'utilise couramment ces chaussures-là. Ayant fait l'expérience, ça demande une certaine période d'adaptation, surtout si on a tout le temps eu des grosses chaussures maximalistes. Mais une fois l'adaptation étant faite, on a tant on moi, que des bénéfices, et voilà, que ce soit au niveau des blessures, mais surtout au niveau de la performance. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a, dans le fond, quand on parle de course à pied, quand on parle de sport, il y a deux grandes questions. Soit la performance, on va aller plus vite, et se blesser, on peut se blesser moins. Au niveau des blessures, moi, je suis convaincu de par mon expérience de coureur, de par ma formation également comme professionnel de la santé, j'ai vendu de la chaussure. Certains verraient ça comme un tort parce qu'il faut que je fasse absolument des grosses ventes et tout et tout. Le mot commençait par ch, je pensais à dire j'ai vendu de la ch. Ouais. Mettons que t'as vendu des souliers qui étaient sûrement pas d'aussi bonne qualité que t'aurais. À quelque part, c'est sûr qu'il y a certaines ventes qui se font comme ça, mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que toute mon expérience m'amène à dire qu'au niveau des blessures, je suis unanime. T'es unanime avec toi-même. Je suis unanime avec moi-même, je suis unanime avec plusieurs gens qui pensent ça également, qu'il n'y a que des bénéfices à faire ça. Aucun négatif. Et au niveau de la performance également, là également, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Je suis tout à fait unanime qu'on n'a que des bénéfices pour la simple et bonne raison que c'est une chaussure qui est par définition plus légère. Donc, une chaussure plus légère, je vais vous donner une analogie bien simple. Mettez un dictionnaire au bout de votre bras, vous allez voir le bras qui va fatiguer à un moment donné. Ça, ouais, c'est le principe des bras de levier, dans le fond, en biomécanique. Ça a la même affaire avec au niveau des jambes, dans le fond. Si vous mettez quelque chose de relativement lourd au niveau des jambes, à long terme, vous allez vous fatiguer plus vite, vous allez consommer plus d'oxygène, donc l'effort va être plus pénible. Mais si tu t'entraînes avec, justement, mettons, un poids plus élevé et t'arrives en compétition avec quelque chose de plus léger, ta performance pourrait être meilleure. Donc ça c'est longtemps été une croyance qu'on va s'entraîner avec des grosses chaussures bien rembourrées, puis on va arriver en compétition avec nos petits souliers plus racer, plus de compé, puis on va voler. Ça ne fonctionne pas comme ça pour les simples bonnes raisons que je vous ai dit. Il y a des effets neurophysiologiques et anatomiques, donc également biomécaniques. Tout ça, c'est un conditionnement. Donc c'est de là l'entraînement, c'est un conditionnement. Si on ne se conditionne pas à l'entraînement, ben on va arriver en compétition et inévitablement on va pas retrouver ses marques. C'est un principe très très très très basique en entraînement de spécificité dans le fond. Et ça vaut combien un soulier comme ça? Soulier comme ça, à l'origine, il y a 6 ans, quand c'est redevenu la mode et au fil du temps, au début, c'était par définition moins cher parce qu'il y a moins de matériaux, vous comprenez, il y a moins de technologie, donc ça coûte moins cher à produire pour les compagnies, donc en théorie ils nous les vendent moins cher. Aujourd'hui ce n'est malheureusement plus vrai, l'offre et la demande, et voilà, la demande étant de plus en plus élevée, eh bien la chaussure de plus en plus minimaliste devient de plus en plus dispendieuse, encore un petit peu moins qu'une chaussure traditionnelle classique. Ok, donc ça, c'est quoi chaussure classique, c'est quoi dans 100 quelque chose? En fait je vais vous en reparler vraiment de pour l'achat de la chaussure la semaine prochaine. Ça va vraiment être mon prochain move. Je vais emmener des paires de chaussures, je vais vous les montrer parce que faut savoir que c'est un continuum. On a la minimaliste que je vous ai parlé, qui est très très épurée. On a la traditionnelle qui est très très malheureusement pas épurée, qui est très très beaucoup de technologie dessus. Entre tout cela, il y a tout un continuum de chaussures. La crémeuse. Un hybride. Et voilà. Donc je vais vous emmener les chaussures, je vais vous les montrer, je vais vous parler un peu des ce qu'on appelle ses caractéristiques, les specs. Et après ça, je vais vous dire un peu quel type de chaussures pour telle pratique chez tel type de population. Et voilà. Parce qu'il faut savoir que il y a certaines populations qui malheureusement ne peuvent pas courir minimaliste. C'est loin d'être autant qu'on pourrait le penser. Par exemple, je vais vous en parler la semaine prochaine, mais les personnes obèses. C'est pas une bonne idée, là. Non, au contraire, c'est une excellente idée de les mettre en minimaliste. Okay. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Super, waouh! Mais quelle bonne chronique, Maxime. Génial, oui, tout à fait. Toujours à chaque semaine, un expert dans son domaine. J'essaie. On y arrive tranquillement. Ouais, ça fonctionne. Ah, oui, ben, bravo. Peut-être dit. Donc, mercredi prochain à 8h30. Et voilà. C'est un rendez-vous. Oui, on s'écoute un petit peu de Louis-Jean Cormier que tu nous as amené. Oui, bien sûr, bien sûr. Le CD ici. Si possible, j'aimerais que tu fasses jouer la deuxième piste qui, si je ne me trompe pas, se surnomme Bullseye. C'est exact. Que j'adore, sincèrement. qui m'est rentré dans la tête et que je vais faire une petite délicatesse que j'ai dédiée à ma copine qui me fait, ça me fait penser à elle. Oh, c'est cute. Oh. Oui, Jean Cormier et Bullseye. Merci, Maxime. Au revoir. Bonne journée, messieurs. Merci. Souillé de fusain noir, pinceau rempli d'espoir. L'impressionnisme impressionne, les pinceaux qui déconnent, qui guident de longs doigts. Mais les brûle à la fois. Alors devant moi le coloris danse, plus rien je n'y peux, je me perds dans les nuances. La formation Pandaléon est tachée à Assemblage requis. Pourquoi je vous ai joué ça? Ben parce que ça ressemble à du Carquois. Et avant, ce qu'on a entendu, c'était Louis-Jean Cormier de Carquois et son nouvel album solo, la pièce Bullseye. J'ai hâte de recevoir l'album assez fou. C'est Maxime qui nous avait apporté la pièce. Oui, ça devrait venir bientôt. Oh oui. Espérons-le. Espérons-le. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 7h et 9h. Demain, on est jeudi, donc on aura François Landry avec sa chronique Logocratie 101. On va parler politique. Toujours, toujours, toujours bon ça. On va aussi avoir deux entrevues. Ça va être assez intéressant. Entrevue, barre oblique, prestation live, ici même à Assemblage requis. Les deux? J'imagine, espérons-le, si tout se déroule bien, on va recevoir Civil and the Bad Habits. Oui, ça c'était groupe, à 8h. Oui, à 8h. Ouais, c'est ça exactement. Groupe avec des étudiants ici de l'UQTR. Oui, très très très bon. Johan Stromer qui est dans ce groupe-là. On aura aussi Michelo en début d'émission qui va nous faire elle aussi donc une performance et au moins une entrevue. Oui, tout à fait. Vers les 7h15. Ouais, ça va être de bonheur. Ça va être de bonheur sur le piton, mais c'est le fun. Elle va être en personne en studio en plus. Yeah. Les deux entrevues vont être en studio, pas de téléphone là-dedans. Restez à l'écoute à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. C'est super bon cette émission-là. Des affaires inutiles à savoir, en plus d'affaires utiles aussi à savoir avec, leur, avec les chroniques et tout ce bon monde-là du dîner de con. À 13h, ce sera le magazine sur la périnatalité Connaître ensemble. À 14h, rattrapez-vous avec les émissions que vous avez ratées plus tôt cette semaine et la semaine passée. Le voyage insolite à 14h, album classique à 15 et à 16, c'est l'examen final. Plus tard en soirée, à 21h, il y aura Psy-TR. Et puis à 22h, le retour de l'émission Transformer. Il est de retour ce soir. Yay. À partir de 22h, on se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est celle de la formation The Darkness, des habitués des palmarès. À chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est pas mal sur leur palmarès. Donc, leur nouvel extrait s'appelle Everybody Have a Good Time. Et justement, mais passez donc une belle journée, tu sais. Hein? S'il vous plaît. François? Ouais, oui. On s'en va demain? Alors, oui, demain. Je dirais 7h à 9h. Mais non.